Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture, où aujourd'hui je vais vous emmener dans un monde un peu imaginaire, je dirais presque une histoire entre fiction, roman et conte. La petite gardienne des mots, sortie en avril 2025, et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de son auteur, Priscilla Durand. Bonjour. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ah, merci de m'inviter. C'est très super. Très contente. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu, fait plusieurs mois, et trouver une date, c'est pas toujours simple. Et là, tu viens jusque dans les studios de Fadjet, donc merci encore. C'est très sympa. Merci à toute l'équipe, c'est cool. Alors, Priscilla, comme tous les invités qui passent ici, tu vas être soumise à un feu de questions incroyables. On va parler évidemment du livre, mais on va aussi parler un petit peu de toi. Et puis, à la fin de cette émission, eh bien, tu nous feras part d'un caprice de lecture, donc un livre que tu as choisi, récent ou pas, mais que tu as envie de faire partager à nos auditeurs. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, on y va. La petite gardienne de mots, donc c'est ton deuxième roman. C'est ce que je disais en introduction, c'est un titre qui fait un peu penser à un conte. Moi, rien que le titre, déjà, j'ai bien aimé. C'est quoi l'élément déclencheur de la petite gardienne de mots ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour tu te dises « Tiens, ça me plaît bien et j'ai très envie de le faire découvrir. » Alors moi, je base vraiment mon écriture sur les personnages. Ok. Donc, on va dire que pendant des mois et des mois, j'écris plein d'extraits. Et quand je trouve un personnage qui me plaît, et là, c'est le personnage de la petite Nell. Oui. Là, je me dis, ah, elle a quelque chose en plus. Et donc, j'ai écrit un extrait qui est le tout début du roman, qui est la genèse. Première page, voilà. Et je me suis dit, ok, les trois pages là, ça c'est du bon. Je le prends et je le poursuis. Après, il y a cette histoire de mots à l'intérieur du roman, avec en fait cette gare où arrive chaque matin un train qui est chargé de mots, des mots qui sont voilà qu'on peut tenir, qu'on peut mettre dans une valise. Un train qui fait un peu en plus fantasmer comme ça, parce qu'il vient d'une usine. On ne sait pas trop, ça reste très mystérieux. Moi, j'imaginais un peu le train d'Harry Potter au départ. Et puis, au fur et à mesure où j'avançais dans la lecture, je me disais non, ça ressemble plutôt à un train de marchandises. Voilà, ça déverse. Et puis, il y a tout un mystère autour, presque une légende. Ouais, alors c'est vrai que l'idée là, je l'ai eue il y a très longtemps. Ouais. Quand j'ai construit le personnage de Nell, cette petite fille, je me suis dit, c'est quand même cool d'emmener plutôt une petite fille dans cet univers-là. Et donc, voilà, j'ai tissé le personnage avec cette idée-là que j'avais depuis longtemps et qui, effectivement, est complètement liée à Harry Potter. Parce que quand on sort de la gare d'Épinal, dans les Vosges, la première chose qu'on voit, c'est la librairie Le Quai des Mots. Exact. Et donc, voilà, je m'étais toujours dit, oh, j'adorerais comme J.K. Rowling avoir une idée de génie comme ça sur un quai de gare. Et forcément, en sortant de la gare, je vois ça et je me dis, pourquoi pas un quai où il y a réellement des mots qui arrivent chaque matin. Et donc, ça part de là. Et ça part de là. Et donc, tu disais, tu écris plusieurs extraits avant de te lancer vraiment sur une idée phare, on va dire. Hein. Mais tes extraits, tu les écris parce que tu observes plein de choses à l'extérieur. Est-ce que tout est source d'inspiration ? Une conversation surprise, je sais pas, dans un bar, une situation un peu loufoque Je sais pas forcément. Des fois, c'est plus des idées assez conceptuelles. Je vais essayer d'écrire un personnage sombre. Vais essayer d'écrire. C'est plutôt lié à la personnalité plutôt qu'à des événements, on va dire. Ouais. Parfois, je vais avoir des extraits super cool et je vais les approfondir à fond, mais à la fin, je me rends compte que c'est seulement de la matière pour une nouvelle, donc ça va faire une nouvelle d'une dizaine de pages. Et je me dis, bon, bah là, je sens qu'en fait. Je suis au bout du truc, j'en ferai pas un roman, quoi. C'est ça, je m'amuse pas assez pour en faire un roman, en tout cas. D'accord. Alors, justement, on va parler du personnage de Nell, que moi, je trouve extrêmement touchant. Elle a une vie parfaite dans sa famille, avec toujours, comme elle le dit, les mots sont toujours bien rangés, elle les conserve comme des trésors. Pour elle, les mots, c'est des petites choses qu'on emballe, qu'on range bien. Chaque mot a son importance, chaque mot a son utilité, et puis chaque mot a vraiment sa place propre, que ce soit dans les phrases ou dans sa vie. Est-ce que chez Nell, il n'y aurait pas un petit peu de Priscilla ? Oui, très certainement. Ouais. Enfin, je pense que chaque auteur s'inspire de soi-même ou de proches. Je la trouve assez touchante, cette petite fille, mais qui en même temps est très mature. Elle a une vie de petite fille, mais elle est extrêmement mature. Elle voit des choses que les autres ne perçoivent pas, sur des situations, des sentiments, sur cette histoire de train quand même là qui la perturbe quand même beaucoup. Et tous ces mots, quand elle dit les mots bien rangés, je me suis dit mais en fait ça c'est l'auteur qui aime tellement les mots qu'elle, comme des petits bonbons bien emballés, on fait juste les regarder parce qu'on a peur de les manger trop vite en fait. Oui, ça peut être ça, ou si on adore les poupées, avoir des poupées bien rangées. Oui. Ou des, et comme je suis très gourmande, je pense aux bonbons, évidemment. Ah oui, bonbons. Forcément. Après, je pense qu'on oublie à quel point les enfants sont intelligents et sensibles et empathiques et tout ce qu'ils peuvent percevoir du monde. Je pense qu'on a tendance à oublier les enfants parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont dans un coin, oui. Parce que parfois ils font pas trop de bruit, mais ça veut pas dire qu'ils se rendent pas compte de plein de choses. Oui. Et c'est vrai que j'ai puisé dans mon histoire, dans mes ressentis, pour révéler un petit peu tout ça et donner de la matière. Pour moi, c'est mon expérience, elle est là pour donner de la matière à mes personnages et aux personnages de la petite Nell. Et plus je trouve, plus je vais puiser en moi, plus ça va permettre à des personnes de se reconnaître dans le personnage. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose d'égocentré. Oui, non, je comprends. Dans le but d'aller toucher les personnes en face, pour moi, c'est très important d'aller puiser dans mon... Il y a des petites choses. Alors, je vais pas tout dévoiler. Je n'aime pas raconter toute la trame d'un livre parce qu'après, on n'a plus envie de le lire. Enfin, moi, si on me raconte la fin d'un livre, c'est pas la peine. Je vais même pas le voir. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même... Et puis, dans les mots qu'elle utilise aussi, ce qui faisait preuve d'une certaine maturité dans ses dialogues, dans ses échanges avec sa famille. Voilà, je trouvais ça... Et d'ailleurs, tiens, avant qu'on passe à la coupure musicale, donc le livre est sorti là en avril, hein, donc c'est tout frais. Frais. C'est tes premiers lecteurs, est-ce que c'est plutôt des adultes ou les premiers retours? T'as plutôt des adultes, plutôt des ados, t'as tout type de lecteurs pour cette petite gardienne des mots? Alors, pour l'instant, c'est surtout des adultes, ouais. Mais c'est vrai que j'aime écrire à la fois pour les adultes et les ados. Je le trouve assez, assez intemporel et assez intergénérationnel, en fait, ce roman. Ouais, comme mon premier roman, au final. Oui. Mon premier roman se lisait dès le lycée, on va dire, dès la seconde. Ouais. Celui-ci, je pense qu'il peut se lire dès le collège. Je pense aussi. Mm-hmm. Il est très accessible. J'adore les jeunes, donc voilà. Je pense que c'est possible aussi. Ouais. Alors, Priscilla, on va faire une première coupure musicale avec un morceau de ton choix, qui est un morceau de Jean Ferrat, qui s'appelle « Ma môme ». Est-ce que tu peux m'expliquer ce choix ? J'adore cette chanson parce qu'elle a une forme de nostalgie et de tendresse à l'ancienne. Ouais. Et y a cet homme qui parle de son amour pour sa femme. Ils vivent dans DHLM, ils travaillent à l'usine. Et pour moi, c'est un petit peu cette forme de mélancolie et de tendresse que j'essaie de véhiculer dans le début du roman. Ok, on revient juste après Jean Ferrat. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de la petite gardienne des mots, sortie en avril 2025 sous la plume créatrice et novatrice de Priscilla Durand. Priscilla, comment vas-tu ? Je vais bien, j'ai un peu chaud mais pas trop. Ouais, mais tu es plutôt à l'aise. Oui, ça va. Donc super. Alors Priscilla, pour poursuivre donc cette interview, j'aimerais qu'on parle un petit peu donc du personnage du papa de Nell. Ce personnage qui apparaissait donc en première partie de roman, hein, peut-être plutôt en second plan, et qui petit à petit arrive comme ça, même sur le devant de la scène. Donc un personnage plutôt torturé, on l'apprend au fil des pages, je dirais pas pourquoi, comment, ça je laisse découvrir, qui en fait devient la clé de tout. Mais je dis toujours pas pourquoi, j'ai toujours peur de trop en dire. Pourquoi sa présence comme ça en pointillé, et puis qui vient un petit peu nous envahir? Alors moi, c'était dans ma démarche personnelle qui est voilà, c'était une manière d'être amie à nouveau avec mes souvenirs d'enfance, okay, et avec l'amour que je porte à mon père. T'avais besoin de te réconcilier avec ça. Voilà. Pour avancer peut-être. Tout à fait. On a une histoire un petit peu compliquée. Ouais. Et donc finalement revenir à l'enfance et à l'amour le plus pur qu'on peut porter à ses parents, ben ça m'a fait beaucoup de bien. Okay. Voilà, donc c'est vrai que ce personnage-là va être la clé de l'intrigue, en tout cas va faire basculer Nell à un moment dans un autre univers et va l'amener à découvrir comment les mots sont fabriqués, d'où vient le train qui arrive chaque matin sur le quai des mots. Donc c'est sûr que voilà, on va essayer de pas trop en dire. Ouais, je vais pas en dire trop parce que je vais pas dévoiler la fin, mais je me dis que parfois en t'écoutant, c'est mieux d'arrêter d'en vouloir ou d'être en colère après quelqu'un parce que déjà on perd énormément d'énergie et quelquefois il vaut mieux poursuivre sa route avec alors les moyens qu'on a parce qu'on n'est pas tous équipés pareil intellectuellement, spirituellement, enfin bref. Et je trouve que la démarche est très belle parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette espèce de résilience de se dire bon bah ok, et bah c'est comme ça, maintenant moi je fais quoi de tout ça? Et toi t'as fait un truc génial. Oh, mais c'est gentil. Vraiment. Même si ça bouleverse beaucoup de choses, beaucoup de lignes, je pense que c'est pas toujours simple. Là, c'est vraiment un roman qui, voilà, très tendre et qui touche vraiment très, très, au très profond de ma petite voix. Là, on peut dire qu'il y a vraiment la patte de Priscilla sur cette partie-là, en fait, du roman. Oui, clairement. Et j'écris aussi, c'est sûr que c'est une partie pour me guérir. Mmh. Et c'est aussi, si je le partage, forcément pour que ça puisse aider d'autres personnes. Un message aussi. Voilà, ouais. Je sais déjà que certaines premières lectrices ont été très touchées. Donc, donc super, donc ça marche en plus. Oui, c'est ça le plus important. D'une situation, on va dire, pas toujours positive ou constructive, tu as réussi à en faire quelque chose de positif. Je pense que c'est le but de n'importe quel art. De toute façon, musicien, peintre, plasticien, peu importe, c'est toujours une manière de sublimer un quotidien qui n'est pas nécessairement hyper rose tout le temps. Exact. Et au lieu d'être dans une spirale sombre, plutôt rendre ça plus dans le partage, dans la joie. Et puis le positif appelle le positif, donc allez, allons-y. Alors Priscilla, moi, j'aimerais bien connaître un petit peu tes secrets d'écriture. Est-ce que tu as des habitudes? Est-ce que tu as toujours un petit gris-gris qui te suit quand tu vas en rencontre ou en dédicace? Voilà. Quand Priscilla Durand se met à sa table de travail, déjà, est-ce que tu es plutôt du matin, plutôt du soir? Est-ce que tu peux partager un petit peu aux auditeurs? Voilà. Quand tu te lances dans une nouvelle aventure d'écriture, c'est quoi la journée type de Priscilla Durand? Alors, il n'y a pas trop de journée type. C'est la réponse que je n'attendais pas, bien sûr. Bien sûr. Ce serait trop facile. Ouais. Ça dépend des périodes de l'année. Ça dépend s'il fait beau, ça dépend s'il pleut. Alors, t'es plutôt du matin ou du soir, toi? Matin. Matin. Le matin, ouais. Aux aurores. Complètement. Okay. Là, c'est parti. Premier café, et on est parti. Par contre, en fait, il peut y avoir des mois et des mois d'exploration, comme je te disais, où j'écris plein d'extraits. Je teste des trucs, c'est pourri, je repasse à autre chose. Des fois, il y a des trous entre les deux parce que je suis en mode, je suis nul, j'y arriverai jamais. Ouais. Mais le moment où j'ai mon début et que c'est cool, c'est parti. Là, c'est parti et là, ça enchaîne. Donc, tu peux écrire toute la journée ou tu... 3h30 par jour, max. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien, ouais. C'est intense. Ouais. Mais après, j'écris des petits romans quand même. Et je les relis énormément. C'est-à-dire que... Donc, tu as écrit, par exemple, je raconte n'importe quoi, le lundi, tu as écrit 3h30. Le mardi, avant d'écrire une suite, tu relis ce que tu as fait ? Complètement. Voilà. Ouais. Et puis, des fois, tu dois dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? La plupart du temps, c'est plutôt cool, mais je vais déplacer un mot. C'est vraiment un truc de... Ouais, c'est limite psychologique. Donc, on pourrait même dire que c'est peut-être ta petite manie pour démarrer, juste pour dire, voilà, là, c'est bien. Ouais, parce que même moi, je me remets dans mon personnage, je me remets dans le lieu, je me remets dans l'atmosphère, et puis après, j'attends que les personnages me disent ce qui va se passer ensuite. Okay. Moi, j'ai pas de trame. C'est vraiment mon début qui va m'emmener quelque part. J'ai pas de trame, je me laisse guider. Vous êtes quelques-uns comme ça à me dire, bah en fait, moi, c'est les personnages qui me parlent, et ils me disent, bah non, moi, je veux aller là, je veux faire ça. Et... Alors, ça peut paraître surprenant, mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est plus fun, parce que on sait déjà toute sa trame et sa fin, il y a zéro surprise. Je suis assez d'accord. Voilà. Quand Priscilla Durand va en dédicace ou quand elle va en librairie rencontrer son public, est-ce qu'elle a des petites manies aussi ? Est-ce qu'elle emmène un petit gris-gris ? Est-ce qu'elle met son t-shirt préféré ? Est-ce que... Ou pas forcément ? Non, pas forcément. Non, non, j'essaye de sentir bon et de m'habiller tout pourri. Je coiffe bien ma frange et... Après, bon, voilà, j'y vais avec mon humour, en général, et mon énergie. Ça marche bien. Ouais. Après, je donne un peu trop d'énergie. T'es assez solaire, quand même. T'es assez... Assez. Ouais, si, c'est assez, bien. Assez, mais pas trop. Non, t'es bien. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien le côté un peu... je ne suis pas en dehors des cases, je casse les cases. Et ça me plaît beaucoup. Quel est le plus beau compliment, tiens, qu'on ait pu te faire sur, que ce soit sur ton premier roman ou sur La Petite Gardienne de Meaux? La plus belle chose qu'on ait pu dire où tu t'es dit, ouais, ça vaut le coup? Il y a peu de temps, j'ai une copine qui m'a dit que sa grand-mère avait pleuré à une des phrases de mon premier roman. Ouais, là, c'est et là, je me dis... Là, c'est bingo. Ça, là, c'est bingo. Ah c'est clair. Vite, quoi. Ouais. Et puis, même dans ta façon de travailler, tout ça, je pense que ça, ça te donne une pêche après. C'est... Carrément, j'adore faire souffrir les gens. pleurer. Et faire pleurer. Voilà, ça, c'est mon kiff. Non, c'est chouette. Ok, donc plutôt du matin. Plutôt du matin, et puis beaucoup, beaucoup de café. J'adore le café. Ok. Sur mon plaid, voilà, confort. J'écris. T'écris à la main ou sur PC, tiens ? Sur PC. Ouais, j'ai été pas mal dans l'administration, donc je tape à la vitesse de l'éclair. Okay. Donc je profite de cette compétence. Bien. Alors, après tous les secrets de création de Priscilla, nous allons passer à la deuxième coupure musicale de Billie Eilish, Lovely. Toujours choix de Priscilla, hein. Moi je n'assume rien dans les choix musicaux, donc pourquoi ce choix ? Bah là je me suis dit, je vais plutôt chercher une chanson qui reflète un peu la deuxième partie de La Petite Gardienne des Mots, parce que comme je disais tout à l'heure, à un moment ça bascule. Oui. Donc là voilà, j'ai choisi une chanson un peu plus mystérieuse, voilà. Et on revient juste après pour ton actualité et ton caprice de lecture. Always in my head space. But I know someday I'll make it out of hell, even if it takes all night or a hundred years. Need a place to hide, but I can't find one. If wanna feel alive outside, I can't find. Skin up on hello, welcome home. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission de Caprice de lecture pour la petite gardienne des mots de Priscilla Durand. Priscilla, peux-tu nous faire part de ton caprice de lecture avant de nous indiquer où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Oui, alors j'ai pas mal réfléchi à cette histoire de caprice de lecture. Et en fait, moi, j'ai un auteur qui me tourne pas mal dans la tête là en ce moment parce que je réfléchis à mon troisième roman. Ouais. Et cet auteur, c'est Stephen King, que, bien sûr, oui, tout le monde connaît. Et je trouve ça assez formidable, d'ailleurs, que tout le monde ait un Stephen King qui traîne dans sa bibliothèque. On en a tous au moins un. Et il est un peu en lien, du coup, avec La Petite Gardienne des Mots, parce que finalement, moi, quand j'étais petite, ces livres de Stephen King, je les voyais, j'étais trop petite pour les lire, mais je les voyais, j'étais un peu fascinée par leur couverture en tissu, à l'ancienne. Et puis comme c'est interdit, on a tellement envie d'y aller, ouais, parce que c'est interdit. Ma mère n'était pas du tout dans l'interdit là-dedans. J'ai essayé de le lire, d'en lire un en primaire et j'ai pas réussi, et j'ai réessayé au collège et là c'était bon. Là ça marche. Et je me dis que c'est vraiment, il a des atmosphères tellement intéressantes et c'est... Ça fait tellement partie de ce que ma maman m'a partagé petite que j'aimerais bien aller tester niveau écriture, okay, des terrains comme ça. Suspense. Ouais, voilà, je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, donc ouais, j'aime bien dans chaque, pour l'instant en tout cas, hein, dans chaque roman, tester des choses, okay, voir ce dont je suis capable. Donc là, mon but, ce serait de tester. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien tester. Et donc le premier roman que j'ai lu de Stephen King, c'était le roman Charlie, qui est plutôt un roman de science-fiction, en fait, donc qui m'a introduit au genre de la science-fiction, qui est aussi en lien avec La Petite Gardienne des Mots, parce qu'on a ce personnage de Charlie, qui est une petite fille, et qui est très proche de son père. Et en fait, les deux se retrouvent en fait poursuivis par les autorités américaines. En fait, son père et sa mère ont subi des expérimentations quand ils étaient à la fac. Ils se sont fait rémunérer pour se faire injecter des trucs. Et en fait, ils se sont retrouvés avec des pouvoirs un peu science-fiction, télékinésie et autres. Et seulement, son père et sa mère se rencontrent au moment de cette expérience. Et plus tard, vont avoir leur petite fille, Charlie. Et c'est pour ça qu'ils vont se faire poursuivre, parce que Charlie devient très intéressante... Oui. Pour les autorités. Et je trouve que c'est aussi un roman qui donne beaucoup de pouvoir à l'enfant. Ouais. Je sais pas si on a le droit de spoiler dans Caprice de lecture quand c'est des vieux trucs. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est bon, qui ne connaît pas Charlie, enfin, je dis, voilà, on peut y aller. Ouais, on peut y aller. C'est vrai qu'à la fin, on va dire que les autorités américaines sont détruites par le monstre qu'ils ont créé, elle va pouvoir se venger complètement et vraiment anéantir entièrement l'organisation. Et je trouve ça très novateur à l'époque où ça a été publié, d'avoir ce personnage de petite fille qui, ouais, qui est vraiment très fort. Mais parce qu'il date des années 70, non, Charlie, je crois, c'est très très ancien. C'est ça. Moi, c'est ça a fait partie aussi des premiers que j'ai lus avec Cujo, avec Dolores Claiborne, que j'avais adoré. Et je comprends tellement que Stephen King, voilà quoi. C'est, ouais, ouais, c'est un monstre de la littérature noire, suspense, enfin bref, c'est the must have, comme tu le disais, dans son salon. Enfin, je veux dire, qui ne connaît pas Stephen King ? Qui n'en a pas un, ouais. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, Priscilla ? Sur les réseaux, sur Instagram, oui. Surtout, on va dire, en okay. tant qu'auteur. Priscilla Durand ? Ouais, alors Priscilla Durand, oui, ça s'écrit, alors Priscilla c'est P-R-E-S-C-I-2-L-A, okay. Durand avec un D à la fin comme Donald, okay. Et voilà, là on peut suivre toutes mes actus, j'ai deux salons en juin, ouais. un au Thio et un à Toul, ouais. et puis je serai au Livre sur la Place le vendredi. Excellente nouvelle. Voilà. Là. Est-ce que tu réponds aux lecteurs qui te font un petit mot, t'as le temps de répondre ou voilà? Oh oui, ouais, bah oh oui ça, toujours, ça fait tellement plaisir parce que voilà, on offre des livres, on les vend quand même, mais oui. on a jamais le visage ou les retours des personnes derrière, donc ça c'est quand même sympa. Ça fait super plaisir quand quelqu'un vient nous partager son ressenti, y a pas de souci, avec plaisir. Bien, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Fadjet. Encore merci pour la petite gardienne des mots que je conseille à tout le monde du collège. Jusqu'à 130 ans. Et vraiment très, très bien. Merci Priscilla. Merci Sarah. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.